Au commencement des temps, la terre avait des formes incertaines. Elle ressemblait à une tache d'huile qui flottait et dérivait comme une méduse. Un pont reliait la terre et le ciel, où vivaient les premiers habitants du monde. Kunito Katachi, né d'un roseau dans l'océan primordial du chaos. Il était omniprésent mais invisible, puis naquirent sept générations de dieux, de déesses, célestes incapables de se reproduire, ancêtres des divinités Izanagi, l'auguste mâle et Izanami, l'auguste femelle. Les dieux chargèrent Izanagi et Izanami de solidifier la terre et de mettre fin à sa dérive. Ils se rendirent sur le pont flottant du ciel qui arborait les couleurs de l'arc-en-ciel et remuèrent l'océan avec la pointe d'une lance ornée de joyaux jusqu'à figer l'eau et former la première terre, l'île de Nogoro. Ils y bâtirent un palais dont la colonne centrale, faite de pierres, constitua le pilier du monde. Puis ils inventèrent un rituel, chacun partit de son côté et tourna autour du pilier. Quand ils se rencontrèrent, ils s'unirent. Quelques temps après, Izanami donna naissance à une série d'îles, les 8 plus grandes de l'archipel du Japon, puis six autres plus petites. Devenue très féconde, elle accoucha des multiples dieux et déesses, des esprits du vent, des arbres et de la terre et des montagnes. Ibizu, dieu de la paix et de la prospérité, ancêtre du peuple japonais. D'autres encore animèrent tous les éléments naturels. Elle mourut de ses brûlures après avoir donné naissance au dieu du feu. Inconsolable, Izanagi descendit au royaume des bords pour y chercher sa bien-aimée. Ne retrouvant que son cadavre, il s'enfuit et remontait à la surface du monde, prit un bain dans une rivière pour se purifier. En se lavant, il engendra plusieurs enfants, dont Amaterasu, la déesse du soleil, née de son œil gauche. Tsuki, dieu de la lune, né de son œil droit. Et Suzunoo, dieu de l'océan, issu de son nez. Amaterasu portait les attributs impériaux, un collier de perles et un sabre qui se transmit depuis aux empereurs régnant sur le Japon. Tsuki et elle vivaient dans les domaines des hautes plaines, apparaissant à tour de rôle dans le ciel. Les premiers hommes, les Aïnou, leur devaient le jour et la nuit, et les vénéraient pour cela. Suzunoo était quant à lui un mauvais garçon. Il prenait plaisir à se moquer de ses frères et de ses sœurs. Un jour, il enfonça si rudiment Amaterasu qu'elle alla se cacher dans une grotte, emporta avec elle les rayons du soleil. Les ténèbres recouvrirent la terre, seulement percée durant quelques heures, par la lune à sa plus grande intensité lumineuse. Quand hommes et dieux se plaignirent de la conduite de Suzunoo, Ozuma, déesse de la gaieté, entreprit alors un curieux balai, quittant ses habits un par un avec force mimique. Les dieux s'esclaffèrent et Amaterasu, intrigué, sortit de la tête de sa caverne pour comprendre la source des temps de rire. Son regard croisait son propre visage qui se reflétait dans un miroir fasciné. La déesse quitta la grotte pour mieux se contempler. Ce fut ainsi qu'elle rendit le soleil au monde et que la vie put se développer. Les îles du Japon se couvrirent de forêts et de rivières. Les poissons vifs vinrent frayer aux alentours des villages côtiers. Les baleines descendues de la mer arctique se réunirent en troupeaux. Certains Aïnou apprirent à cultiver le riz et le thé, d'autres à construire des pirogues de plus en plus grandes pour mieux tenir la mer. Ils élevèrent des sanctuaires pour louer Amaterasu et leur patrie, prit le nom de pays du soleil levant. Voici comment les îles se sont formées, et voici comment elles pourraient disparaître. Une vague géante ou tsunami causée par un tremblement de terre ou par une éruption volcanique ayant lieu sous la mer viendrait déferler sur le Japon, noyer ses rivages et ses plaines sous une déluge d'eau salée. Ces rivages et ces plaines sous un déluge d'eau salée, celles des montagnes émergées encore. C'est sans doute pour cette raison que les dieux ont choisi comme résidence le sommet du mont Fuji. Yama, un volcan qui domine l'archipel, son col est enneigé. Et son col enneigé.